ladies and gentlemen. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Guémozo pour cette nouvelle édition de l'heure des loulas quotidienne de 18h à 19h sur le 107. Bonsoir les Vosges, bonsoir l'Alsace qui nous écoute. Et pour l'émission de ce soir, on va à nouveau parler festival, on va parler de musique avec Denis pour le Festival. Bonsoir Denis. Bonsoir. Alors dis-moi, je crois que c'est une première que tu viens dans... Je crois que c'est la première fois que tu viens dans nos locaux. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, je ne savais pas trop où c'était, mais j'ai quand même trouvé. Mais tu as fini par trouver. Ah, c'est une bonne chose. Alors, comme on le disait, hein, tu es là pour présenter le Festival Arche qui a lieu ce week-end, les 20 et 21 octobre à Arche, forcément. Oui. Le festival Arche qui est, pour faire court, un festival de musique. On a beaucoup de choses à se dire ce concernant, ne t'inquiète pas. Mais comme on aime bien faire les choses dans un ordre en particulier, comme tu es nouveau venu ici, Denis, est-ce que tu peux te présenter toi et aussi ta place vis-à-vis du festival ? Alors, je m'appelle Denis, comme ça a été dit. Je travaille à la ville d'Arche. Je m'occupe du service des eaux de la ville. Et il y a eu un festival qui a été, Festival Arche, qui a été organisé il y a déjà 2 ans, 2016. Et faute peut-être de personnel, l'année dernière, ça avait été un petit peu mis sur le côté, on va dire. Et là, on reprend ça de plus belle cette année. J'ai un petit peu reboosté les troupes, on va dire, et puis c'est reparti. C'est comme ça que c'est reparti, que toi tu as eu envie de créer à nouveau cette dynamique. Comme tu le dis, il y a eu une première édition en 2016 et la deuxième édition du Festival Arche, c'est en 2018, c'est cette année, c'est ce week-end, c'est vraiment sous peu. Alors dis-moi, en quoi consiste le Festival Arche ? Alors le Festival Arche, il est sur deux registres, il y a du rock le samedi soir avec des jeunes de l'école de musique de Chavelot, qui font partie des coulisses du spectacle, qui vont faire un petit show pendant à peu près une heure sur ce qu'ils ont pu apprendre. Et ensuite, il y aura le groupe qui est déjà assez connu dans le secteur de Rock or Bust Experience, qui vont même au-delà du département faire des concerts, dont les Sapins Barbus il n'y a pas longtemps. En effet. Donc je crois que ça va être assez rock. Hein. Ça va être assez rock concernant ça va sonner fort. Le samedi soir, en effet. Et tu as dit, il y a un autre registre qui se jouera à Arche le dimanche. Mais le dimanche, à partir de 16h, à l'intérieur de l'église, il y aura un concert lyrique des chantatrices. Donc là, c'est plus basé sur du classique, hein, comme Bach, Schubert, Bechstein, Brahms, Bizet ou encore Chopin. Et là, je pense qu'il y aura aussi un peu de monde aussi, ça peut intéresser pas mal de personnes. Je l'espère aussi pour toi. Et en parlant du Festival Arche, est-ce que tu saurais peut-être me dire, même si j'ai bien entendu que tu n'étais pas là il y a 2 ans, est-ce que tu sais pourquoi il a été créé ? Pour créer une dynamique, je pense, dans le village, qui avait besoin de ça, pour aussi les jeunes, et puis aussi bien les anciens, pour faire un rassemblement, pour pouvoir Se divertir avec la musique, en fait. Oui, se divertir avec la musique, avec tout type de musique, comme ça, on pense à tout le monde. Comme tu as dit, c'est plutôt rock le samedi, le rock qui est quand même assez tout public. Hein. Je pense que tout le monde a grandi. Bah, vous connaissez Rock or Bust Band qui interprète du AC/DC. Voilà, tout le monde connaît AC/DC, je crois, de 7 à 77 ans environ. Et classique, ça reste assez intemporel. Donc, comme tu le disais, hein, un festival qui concerne tout le monde. Ah bah tiens, on a des bonjour de l'Alsace, Ben Zolbeck, tu nous écoutes. Bonjour à toi, contente de savoir que tu nous écoutes. Comme on en revient à notre Festive Arche, tu disais, ça se passe sur deux jours, hein. Oui. Il y a différents temps forts. Alors avant toute chose, est-ce qu'il y a deux ans, si tu t'en souviens à peu près, je sais que tu sais pas tout, mais est-ce que tu sais si au niveau des dates, c'était aussi comme ça vers la troisième semaine du mois d'octobre ? Oui, oui, c'est ça, c'était à peu près dans les mêmes dates, un petit peu avant, je crois. Et est-ce que c'est un choix délibéré, en fait, de faire ça presque au milieu de l'automne? Ben en fait, non, c'est moi qui ai... Parce qu'en fait, il faut pouvoir avoir la salle qui soit disponible, la salle polyvalente. Donc, elle est assez prisée. Ouais. Mais je m'y étais pris déjà à l'avance, donc j'ai réussi à avoir une date. Puis en plus, ça tombe bien parce que ça ne se mélange pas avec d'autres festivals et tout ça, quoi. Ah oui, donc en effet, d'une certaine manière, il n'y a pas trop de concurrence, comme on le sait bien, hein, en été, il y a beaucoup de festivals. Il y a le Festilac de Saulsure, il y a les Sapins Barbus à Dommartin, il y a un air d'été à Remiremont, il y a... je ne me souviens plus comment il s'appelle. C'est vrai que dans le secteur, il y a pas mal de choses maintenant. Voilà, ça bouge, il y a une certaine dynamique. Et Arche est là aussi, dit « Moi aussi, j'existe !» Et Arche aussi crée sa dynamique avec le Festive Arche Festival. Comme on le disait, il y a trois groupes qui vont passer sur ces deux jours. Voilà, les jeunes qui vont... Bah, ce qui est bien, c'est, on appelle ça un petit peu comme la relève. Hein, c'est les jeunes qui... En plus d'aller sur une scène, pour eux, c'est une bonne expérience. Parce que là, ils vont jouer avant quand même un grand groupe et ils ont la chance d'avoir la scène pour eux, pour pouvoir s'exprimer en essayant de maîtriser le track. Je pense qu'il y en aura un petit peu quand il y a l'adrénaline qui monte. C'est sûr qu'il faut maîtriser un petit peu son stress. Ah oui, ça doit certainement être quelque chose. Et je vois le temps qui défile. Alors, j'ai prévu environ 6 pauses musicales. On va voir si on peut tout passer. Mais je sais que parmi les pauses musicales, alors on ne va pas faire dans l'ordre samedi, dimanche, parce que je vais penser aux personnes qui nous réécoutent le lendemain de 7h à 8h. On va peut-être leur laisser le temps de se réveiller. Alors, on va commencer par un morceau de classique, ça concerne les chantatrices qui passeront. Hein, tu m'as dit parmi les... Dimanche à partir de 16h. Voilà, dimanche à partir de 16h et parmi les artistes qu'elles vont interpréter, elles vont interpréter du Chopin. Donc on va s'écouter la nocturne numéro 9 de Chopin pour commencer et pour laisser les auditeurs de demain matin ou de ce matin, pour ceux qui m'écoutent en rediff, se réveiller. Et on se retrouve juste après. Et vous êtes de retour sur Radio Gémozo 107 FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups. si vous voulez réagir ou interagir avec nous au moment où on sera en direct, hein, donc mardi 6 octobre, à l'heure qu'il est, il est 18h09. N'hésitez pas à tout instant à nous appeler au 03 29 62 40 40 ou à nous envoyer un petit message sur la page Facebook Radio Gémozo. Ce sera avec plaisir qu'on interagira avec vous en direct. On est toujours avec Denis pour le Festivarche et on a écouté juste avant, je le disais, la nocturne numéro 9 de Chopin, interprété par les chantatrices, ou du moins Chopin, qui sera un artiste interprété par les chantatrices dimanche 20 octobre à Arches. Voilà, on en vient peut-être à parler tout doucement des différents groupes. Donc tu m'as dit qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à dire sur chacun des groupes. Donc avant de parler des groupes, j'aimerais peut-être qu'on parle des temps forts en fait de ce festival et de l'ordre dans lequel tout ce petit monde va passer. Oui, ben alors déjà il y a les jeunes qui vont commencer à partir de 20h environ. Et là, comme ils ont des rythmes d'apprentissage un peu différents, c'est pas toujours évident de se regrouper, de s'entraîner. Pour les jeunes, il y a les études, bien sûr. Ils ont chacun leur rythme. Donc du coup, ils avaient fait un programme d'une heure, mais ça faisait peut-être un peu beaucoup. Du coup, il y en a une de mes filles, enfin une fille qui va jouer en backing track. Ça, donc en fin de compte, en backing track, on enlève juste un instrument qui sera la guitare du groupe, et ensuite elle va jouer comme si elle jouait avec le groupe. Il y aura la sono derrière qui va envoyer le son, quoi. Et du coup, elle va jouer avec un autre. Et puis après, à partir d'une demi-heure environ, il y aura le groupe entier qui vont jouer 4-5 morceaux, à peu près. Ah ouais. Bah c'est intéressant. Et tu m'as dit, c'est un groupe qui est spécifiquement formé, qui fait des tournées. Ou alors, tu m'as dit, il vient de l'école de Chavelot. L'école de Chavelot, oui. Les coulisses du spectacle. Et c'est en fait, c'est pour apprendre la guitare, enfin, ou plusieurs instruments. Et après, ils se retrouvent de temps en temps pour jouer ensemble. Mais c'est pas régulier, donc du coup, il faut qu'ils puissent s'entraîner beaucoup, ce qui n'est pas toujours simple. Mais en fait, c'est un groupe qui est formé pour s'entraîner aussi aux arts de la scène, ou c'est un groupe qui va perdurer quand leur cursus à Chavelot sera terminé ? Non, pas forcément. Ils se retrouvent comme ça, et c'est le plaisir de jouer ensemble comme ça, mais c'est pas dit que plus tard, ça sera vraiment le groupe définitif. Chacun choisira sa voie, je pense, une fois qu'ils auront déjà une bonne formation, on va dire. Ah, donc voilà, c'est un groupe évolutif, un groupe éphémère, d'ailleurs, qu'il faudra aller écouter le samedi 20 octobre dès 20h à la salle polyvalente de Arches. C'est ça, parce qu'on n'a pas parlé des lieux. C'est ça, c'est la salle polyvalente à Arches, sous la place de la mairie. Hein, c'est tout près de la mairie, en fin de compte. Une fois qu'on est sur la place de l'église, il y a tout qui est regroupé. Hein. Il y a l'église, la mairie, plus la salle polyvalente, tout près. Donc voilà, au niveau disposition, c'est quand même bien organisé. Oui, il y a les parkings, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, donc tu disais salle polyvalente samedi, dimanche, ce sera pas la salle polyvalente par contre. Ça sera à l'église là le dimanche. Et l'église, elle est pas loin, hein, c'est voilà. Tout près. Donc tout finalement, le fléchage, il bougera pas, ça sera toujours le même endroit quasiment. Hein. Donc voilà, ça c'est pour le fléchage. Et donc on a parlé donc du premier groupe, hein, le groupe de l'école de Chavelot. Et on n'a pas encore parlé des deux autres groupes qui vont passer. Donc il s'agit du groupe Record Bust Experience, qu'on connaît un petit peu, mais je pense que c'est bien de rafraîchir les mémoires, et les chantatrices. Alors concernant Record Bust, d'ailleurs tu m'as dit, ils ont une particularité. Oui, Record Bust, ils ont une particularité, c'est que c'est pas du copier-coller sur le groupe d'AC/DC, c'est vraiment, ils ont chacun leur style, et ils viennent beaucoup, la plupart, de groupes de métal, dont ils en font toujours d'ailleurs. Ils ont un autre groupe qui s'appelle Days of Crisis, où ils jouent du métal, sauf le chanteur qui lui est un grand fan d'AC/DC. C'est lui qui les a un petit peu boostés, je pense, pour jouer ces morceaux d'AC/DC. Et après, il y a aussi le bassiste qui, lui, est fan aussi de rock. Oui, donc ça, c'est pour le groupe qui jouera juste après les jeunes de l'école de Chavelot à partir... Enfin, le concert débute à 20h, donc il devrait venir sur scène à partir de 21h. Et avant de parler des chantatrices, on va s'écouter une pause musicale suivante, toujours dans le registre classique. Cette fois, c'est du Brahms qu'on va passer, qu'elles vont interpréter. Et dernier appel pour les auditeurs qui m'écoutent en rediffusion le lendemain matin, c'est vraiment l'heure de se réveiller. Donc, on va s'écouter la danse hongroise numéro 5 en sol mineur, et on se retrouve juste après sur Radio Gémozo. Et vous êtes de retour sur Radio Guémouzo 107 FM. Vous avez à l'instant écouté la danse hongroise numéro 5 en sol mineur de Johannes Brahms, toujours avec Denis du Festivarche. Et si vous avez envie de réagir avec nous, n'hésitez pas à tout instant à passer via notre page Facebook Radio Guémouzo ou à nous appeler au 03 29 62 40 40. D'ailleurs, petite note, cette fois, on a écouté tous les morceaux classiques de la playlist que j'avais prévue. Donc maintenant, vous êtes prévenus, on va passer dans un registre beaucoup plus rock. Mais avant ça, on a déjà présenté les groupes rock avant, comme il s'agissait de faire les choses dans l'ordre chronologique. On va passer à dimanche maintenant, la présentation du groupe Les Chantatrices. Denis, la parole est à toi. Oui, bah alors c'est un ensemble de musiciens solistes, chanteurs lyriques et instrumentalistes à géométrie variable, piano, flûte et chant, réunis par la passion de la musique dont l'originalité est de présenter des concerts à thème. Ainsi, les pièces musicales présentées sont spécifiquement choisies pour honorer un lieu, une manifestation culturelle, une rencontre artistique ou une promenade bucolique dans un répertoire varié allant de la Renaissance à nos jours. Cet ensemble, il a été créé en 2009, ça sillonne plusieurs régions en France. Ils ont tourné en Bourgogne pour la Nuit des Églises en 2014, dans les Vosges, à l'abbaye de Autrey, sur le thème des roses, en juin 2015, en région parisienne aussi, pour le Printemps des Poètes, pour une soirée conférence autour de Jean-Sébastien Bach, en mars 2015. En Bretagne, pour le festival Entre Terre et Mer et pour le festival des Quatre Clochers pendant l'été 2016. Et la dernière participation de l'ensemble au Festivarche, en octobre 2016. Donc ça, c'est concernant le groupe Les Chantatrices. D'ailleurs, mis à part Les Chantatrices, le groupe Rock or Bust aussi, tu l'avais déjà dit, vadrouille aussi beaucoup pour interpréter les morceaux d'ACDC. Oui, tout à fait. Ils ont fait plusieurs représentations importantes, dont les Sapins Barbus cette année. Oui. L'édition 2018. Les 5 et 6 août. J'essaie de relire le bracelet que j'ai autour du poignet, mais j'arrive pas à relire. Je sais plus. C'est courant du mois d'août. Non, plutôt. C'était au mois d'août, oui. Oui, c'est pas début du mois d'août. C'est alors plutôt la date, fin. M'échappe. Si le 17 août, quelque chose comme ça. C'est ça. Voilà, ça c'est concernant les trois groupes qui vont passer. Mais également, ils ont été aussi en Haute-Marne, au festival en 2017, ouais. En Bourgogne, en Meurthe-et-Moselle. Et aussi au Motor Days à Gérardmer, un grand rassemblement Harley-Davidson. Oui, oui. Et on a couvert aussi. La nuit américaine également, d'Épinal et bien d'autres. Et en live, c'est plus de 2 heures de show énergique avec des sons de guitare tranchants et puissants, des solos endiablés. Et ça vaut vraiment le coup d'aller voir ça les 20 et 21 octobre à Arches. Et tant que j'y pense, une petite question, parce que dans le secteur, il y a quand même beaucoup de groupes, hein, ça brasse beaucoup de différentes sortes. Hein. Comment s'est fait le choix, peut-être difficile, des groupes qui vont passer là ? Bah, le choix, moi, c'est un groupe que je suis assez souvent un peu partout. Et c'est vrai que ça me tenait à cœur de le faire venir à Arches. Oui. Car j'avais déjà fait venir pour mes 50 ans à Raon-Bois, ils étaient déjà venus. Et là, je trouve que c'est un groupe qui mérite d'être connu. Et c'est vrai que sur Arches, en plus, il y a un des guitaristes qui habite Arches et qui n'est pas forcément connu par rapport à ce groupe-là. Et ça va permettre aux gens de découvrir un peu aussi cette musique, en fin de compte, oui. Qui est très entraînante, mais en plus, ce qui est intéressant, surtout, c'est que ça peut intéresser n'importe quel âge, quoi, du plus jeune au plus âgé. Oui, c'est concernant Rock or Bust, c'est ça ? Oui. Oui, parce qu'en effet, on peut dire les choses, oui, clairement, bah, oui, ça convient à tout le monde, hein, peu importe nos âges, hein, on a tous écouté ou grandi avec AC/DC, Scorpion... mince, je suis en train de faire le petit blind test des groupes que j'écoutais ado. Led Zeppelin, Led Zeppelin que j'écoutais pas beaucoup. Nirvana que j'écoute beaucoup, oui. En ce moment. Je pense aussi à Mick Jagger, c'est les Rolling Stones. Enfin, c'est des groupes éponymes en fait dont on entend encore parler. Qui tournent peut-être pas forcément encore, mais il y a toujours des fan bands ou des choses comme ça, et Rock or Bust en fait partie, qui d'ailleurs apparemment relève extrêmement bien le défi, avec sa particularité, parce que c'est pas un simple... Ben, surtout le son qui est très, très puissant, avec des amplis Mesa, des enceintes Mesa avec un son qui demande une précision aussi pour jouer, car la moindre erreur, on l'entend tout de suite. Ah oui, en effet, donc c'est une pression supplémentaire pour faire une représentation parfaite. Et concernant les deux autres groupes, donc déjà l'école de Chavelot, est-ce qu'il y avait déjà un groupe de l'école de Chavelot il y a 2 ans au Festivarche ? Non, non, pas du tout. Là, c'est vraiment une première de faire venir des jeunes. Et je trouve que c'est très intéressant parce que c'est, pour eux, c'est un boost... pour eux plus tard, s'ils veulent percer dans la musique, il n'y a rien de meilleur que de jouer en groupe, à plusieurs, et de partager comme ça. C'est un moment de partage aussi, et les gens, quand ils voient ça, des jeunes jouer, c'est toujours émouvant, quoi. Oui, en effet, c'est quelque chose aussi, hein, de faire des scènes ou de se roder, hein. Après tout, on voit des gens qui ont des carrières confirmées et des jeunes qui en sont peut-être au balbutiement de leur carrière, mais c'est ça aussi qui est beau, de pouvoir réunir tout le monde. Et concernant les chantatrices, alors là, il me semble que t'es pas trop dans la programmation du dimanche, c'est ça ? Non, c'est ça, j'ai eu un petit peu les infos justement aujourd'hui, donc du coup, je suis pas très... enfin, bon, j'ai quelques petites infos que j'ai déjà dit tout à l'heure, mais après, je pourrais pas apporter une grande expérience là-dessus. Non, mais bon, c'est pas grave, on va se débrouiller avec ce qu'on a. Et tu as dit que parmi les groupes que le groupe des jeunes de l'école de Chavelot va interpréter, ils vont interpréter du Led Zeppelin. Donc on a choisi 2 morceaux de Led Zeppelin qui passeront. On en a aussi d'autres d'ACDC pour Rock or Bust, bien entendu. On va peut-être s'écouter le morceau All Lotta Love qu'on s'écoute maintenant et on se retrouve juste après. You need it. I'm gonna give you my love. Et vous êtes de retour sur Radio Gemuzo 107 FM. Vous avez à l'instant écouté le morceau Whole Lotta Love de Led Zeppelin qui sera interprété le samedi 20 octobre à partir de 20h à la salle polyvalente d'Arches par un groupe formé par l'école de Chavelot. Toujours avec Denis avec nous à l'antenne. Et si vous voulez, hein, comme on est toujours en direct ce mardi 16 octobre à 18h30 pétante, vous pouvez toujours interagir avec nous via la page Facebook Radio Gemuzo ou en appelant au 03 29 62 40 40. On a fait, je crois, jusque-là, on a plutôt dégrossi ce qu'il en était niveau de la musique. Mais dis-moi, j'y pense, le Festive Arche, c'est que de la musique pendant ces temps-là ? Enfin, pendant ces deux jours ? Essentiellement, oui, c'est que de la musique. Il y aura un stand aussi où on pourra aussi s'alimenter, hein. Sandwich, hot dog, des choses comme ça. Et forcément. Et une buvette, bien sûr. Oui, buvette, j'imagine, avec des sans-alcool et de la bière. Voilà. À consommer, bien entendu, avec modération. Mais comme tu as parlé de nourriture, hein, on n'y réchappe pas. Il en est quoi des régimes alternatifs, donc musulmans, véganes ou végétariens ? Est-ce qu'il y a quelque chose, peut-être, pour eux ? Donc ça, c'est une chose, c'est vrai qu'on n'y a pas pensé, mais c'est intéressant, je note. C'est vrai que c'est une chose où il faut prendre en compte, c'est vrai. Oui, après tout, on n'y pense pas forcément. Enfin, on a l'habitude, on n'est pas encore non plus très nombreux, je crois, 3-4% de la population française à être végétarienne, et encore peut-être que je me trompe, peut-être que je grossis légèrement les chiffres. Mais bon, après tout, c'est bien de penser à tout le monde. Et en parlant de tout le monde, hein, ce festival, j'imagine qu'il ne s'adresse pas à une catégorie en particulier. Pas du tout, non. C'est ouvert à tout le monde. En plus, c'est gratuit, donc je pense qu'il va y avoir du monde. Oui. D'autant plus que Rockerbust sont déjà pas mal connus, comme j'avais déjà dit tout à l'heure. Donc je pense que ça va faire venir du monde. Plus les jeunes qui puissent aussi attirer, pourquoi pas. Hein. Oui, donc comme tu le disais, c'est vraiment tout public. Hein. Ça s'adresse aux jeunes, aux plus adultes, aux familles. Il en est quoi des personnes à mobilité réduite ? Est-ce que l'accès au festival se fait sans trop de difficultés pour elles ? Bien sûr, oui, c'est vraiment adapté pour les personnes aussi à mobilité réduite. Donc on pense autant que possible à tout le monde et c'est une bonne chose. Tu as parlé de prix d'entrée du festival, donc tu as dit qu'il est gratuit. Eh oui. Oh là là. Mais dans ce cas, ce festival, s'il n'est pas financé par les festivaliers, par qui est-il financé ? Par la commune d'Arches. Qui investit en fait dans les concerts. Hein, j'imagine que c'est surtout pour payer les représentations des artistes, à moins qu'ils viennent de leur temps libre, hein, ou de leur de bénévolat. Non, mais ça passe par les associations, et ça fait ça fait un petit plus pour les associations également. Parce qu'il y a d'autres associations qui sont partenaires en plus de la mairie d'Arches, ou de la commune. On a une association du tennis, qui eux organisent tout ce qui est buvette, sandwich. Et voilà, donc tu as dit l'association de tennis, il n'y en a pas d'autres ? Non. Voilà. Bon, c'est déjà pas mal, hein, l'association de tennis et la mairie d'Arches, hein, que je le note, que j'oublie pas d'en parler en fin d'émission. Et voilà, comme tu disais, hein, tout sera fléché, il y aura des parkings partout pour accéder au Festive Arches les 20 et 21 octobre à Arches. Mais dis-moi, mis à part le fait de créer une dynamique, je pense qu'on va venir dans quelques instants pour dire à quel point c'est important. Est-ce qu'il y a une cause en particulier qui est aussi portée par le festival, une cause caritative ou autre ? Non, pas particulièrement. C'est vraiment une fête musicale qu'on tient à mener et à perdurer. Oui, donc c'est vraiment histoire de partager un bon moment tous ensemble. C'est ça. Et comme on le disait, hein, si c'est aussi... où la raison principale, c'est de créer une dynamique à Arches. En fait, à quel point c'est important de créer cette dynamique ? Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui est très important pour faire vivre tous nos villages environnants. Et c'est vrai que c'est bien aussi que ça puisse se passer à Arches. car ça manque toujours un petit peu de festive, on va dire. Oui. Et c'est bien qu'il y ait un peu de musique pour donner un petit peu de vie dans le village. Pour donner un petit peu de vie, un petit peu de peps. Et en parlant de ça, on va s'écouter, alors cette fois, un morceau du groupe Rock or Bust. C'est Bad Boy Boogie qu'on s'écoute tout de suite et on se retrouve juste après. Hey, Bad Boy Boogie! C'était un extrait du morceau Bad Boy Boogie, hein. On s'est rendu compte que le morceau durait un petit peu longtemps. Donc si vous voulez l'écouter en entier, bien passez au Festivarche le samedi 20 octobre à la salle polyvalente d'Arche. Toujours avec Denis pour le Festivarche, je pense que je le répéterai une dernière fois. Si vous voulez nous contacter, page Facebook, Radio Guimauzo, téléphone 03 29 62 40 40. Comme ça, l'information est transmise. Et oui, on écoutait le morceau, je disais Bad Boy Boogie. S'il y a une chose qui est quand même frappante, très sincèrement, c'est la voix du chanteur, quoi. C'est très impressionnant, c'est vrai. Ah ouais, c'est un truc de fou. C'est justement ce que je disais tout à l'heure sur la particularité du groupe, c'est que le chanteur, il peut aussi bien chanter Bon Scott que Brian Johnson. Donc, il joue sur les deux époques. ce qui est très rare finalement. Oui, car je connais d'autres groupes qui font du AC/DC où ils peuvent faire qu'un seul registre. Ouais. Que eux, ils peuvent avoir une palette énorme de morceaux, dont d'ailleurs, ils ont un show qui dure plus de 2 heures. Donc ça montre bien, déjà, ils sont capables de faire déjà pour l'instant 22, 23 morceaux, je ne sais plus exactement, mais c'est ce que ça va être à peu près le registre qui va se passer samedi soir. Hein. Ah oui, un sacré panel. Et encore une fois, hein, j'avais l'impression d'être reparti dans mon MP3 et d'écouter voilà, du... Même moi, là, je suis surpris en studio d'écouter, j'ai l'impression d'entendre les vrais, en fait. Ah oui, on est d'accord. Hein. C'est incroyable. Ah oui, c'est vraiment incroyable. Si on a un peu de temps... vers la fin de l'émission, on écoutera leur interprétation de Highway to Hell, parce que celle-là, quand même. Mais on va la mettre comme la petite cerise sur le gâteau. Je confirme. Il nous reste d'ailleurs encore 2 pauses musicales à écouter pour les 20 dernières minutes qui nous restent. Allez, on peut encore rentrer dans les clous. On peut laisser la cerise à tout le monde sur le joli gâteau qu'est cette émission L'Heure des Loups. Je suis en train de chercher un petit peu dans mes notes et je vois que qu'on a traité quand même de pas mal de choses. Donc oui, tu voulais peut-être qu'on s'attarde à nouveau sur les groupes ou sur ce que tu... Bah, sur ce que je connais bien, c'est surtout Rocorbeux, c'est sûr. Je suis un peu désolé parce que lyrique, je connais pas forcément trop. Mais sur le groupe de rock, j'ai pas tout dit. C'est, en fin de compte, il y a aussi des membres qui font du métal. J'ai peut-être signalé déjà tout à l'heure. Oui, tu l'as dit brièvement. Et c'est là où justement le son, ils ont un son avec des enceintes Mesa qui donnent un son vraiment très fort, très puissant. Et c'est là où ça demande quand même une dextérité pour pouvoir jouer sur des enceintes comme ça. J'imagine, en effet. Là, je suis vraiment en train de chercher dans mes notes et je vois qu'on a dit quand même beaucoup de choses concernant le festival. Donc, tu sais quoi ? Pause musicale suivante, on va s'écouter. Alors, tu as proposé parmi les groupes qu'ils jouent, cette fois, c'est les jeunes de l'école de Chavlot. Ils vont aussi interpréter du Metallica. Alors, on va passer From Whom the Bells Toll, ceci. Bon, je le dis à peu près bien. From the Bell Tolls, oui. En effet. Donc, on s'écoute ce morceau et on se retrouve juste après. Et vous êtes de retour sur Radio Game of the 107 FM et vous avez à l'instant écouté le morceau For Whom the Bell Tolls de Metallica qui sera interprété le samedi 20 octobre à partir de 20h par le groupe de l'école de Chavelot. Et voilà, s'il y a une chose qui m'était revenue parce que j'avais un trou et je me disais, il y avait quand même une question qu'il fallait que je traite, à laquelle on n'a pas pensé, c'est le visuel de l'affiche. Alors peut-être pour le décrire aux auditeurs, hein, on va le faire vite fait, c'est dans une espèce de beige taupe assez claire. On voit un ensemble d'instruments, donc il y a guitare électrique, saxophone, piano, il y a un lecteur vinyle, un accordéon. Alors je crois que c'est un trombone, non je sais plus ce que c'est, si ça doit être un trombone. Oui, je pense, oui. Une guitare sèche et une batterie. Et devant, il y a écrit en blanc Festive Arch avec en dessous écrit musique plurielle, samedi, enfin voilà, et que c'est gratuit et que c'est organisé, je crois, en dessous Ville d'Arche et Festive Arch. Donc ça doit être deux instances ou deux branches. Pardon ? En dessous, c'est marqué Ville d'Arche et Festive Arch. Alors Ville d'Arche, forcément, parce que la mairie est... comment dire, le partenaire principal. Et Festive Arch, est-ce que c'est un mini-groupe au sein de la mairie ? C'est surtout une affiche qui a été créée par Océane Bello, une jeune qui est en train de faire l'école justement pour faire ce métier-là plus tard. Oui. Et du coup, elle a créé cette affiche qui est très, très intéressante et très sympathique. Je trouve qu'elle est jolie parce que c'était pas facile pour elle de marier rock et lyrique. Non, en effet. Donc c'était pas simple du tout et je trouve qu'elle a fait un travail très intéressant. Et ça permet d'avoir une affiche qui puisse mélanger tous les genres de musique. C'est vrai que c'est sympa. Oui, en effet, c'est une affiche qui montre que, comme ça disait, c'est marqué en dessous musique plurielle. J'imagine que ça veut dire que c'est un festival qui regroupe différents styles de musique. Voilà, c'est ça, c'est pour ça que je trouve ça intéressant qu'il y ait des jeunes, des gens qui font du rock derrière plus confirmés et en même temps du classique. C'est tout un mélange de musique où il y en a justement pour tous les goûts. Et ça, c'est intéressant pour ceux qui veulent s'éclater dans le rock. Ben, il y a le samedi soir et le dimanche ben, pour le lyrique. C'est ça qui est bien finalement. Oui, ce qui peut convenir en fait à tout le monde, comme on le disait, vraiment tout public. Donc les 20 et 21 octobre, alors pour le 20 octobre à la salle polyvalente et pour le 21 à l'église de la ville d'Arche. Avant qu'on passe la cerise sur le gâteau, est-ce qu'on peut faire un rapide point sur les partenaires et peut-être remercier aussi les différentes personnes qui ont contribué à ce que le festival ait l'apparence de ce qu'il aura ce week-end. Oui, tout à fait. Ben, là, on peut remercier, c'est sûr, toute la municipalité avec ses élus dans leur investissement et aussi... tous ceux qui pourront donner un petit coup de main le jour J, on va dire. Voilà. Donc, on remercie toutes ces personnes et en les remerciant, on va passer le Graal, la cerise sur le gâteau d'ACDC. Le morceau Highway to Hell, interprété par le groupe Rock or Bust. Et on se retrouve juste après. Shut down! Break my tooth! Et vous avez écouté Highway to Hell, interprété par le groupe Rock or Bust. Je pense que vous avez entendu à la différence de voix cette fois. On vous trompe pas sur la marchandise, hein, c'est pas non plus un remake total, c'est des réinterprétations. Et je pense pour ceux qui ont remarqué la subtilité, le rythme était légèrement plus rapide. Enfin bref, voilà, c'est pour Rock or Bust que vous pourrez écouter le samedi 20 octobre à partir de 21h environ à la salle polyvalente d'Arche, toujours avec Denis pour le festival Arche, pour tout doucement la conclusion de l'émission. Donc je pense qu'on va faire un petit résumé pour les quelques minutes qui nous restent pour les auditeurs qui ont peut-être pris l'émission en cours de route. Oui, bah, moi ce que j'espère, c'est qu'il va y avoir quand même du monde. Le résumé va venir à ça, c'est que j'espère qu'il y aura beaucoup de monde et puis que tout le monde en aura pour son compte. Le samedi soir, peut-être jeune, tout âge, on va dire. Et le dimanche, au lieu de faire la sieste après-midi, bah, il y aura un peu de musique de détente à l'église, où on pourra aussi écouter du classique, Chopin et les autres. Donc c'est intéressant pour tout le monde finalement. Oui, et redécouvrir d'ailleurs les classiques qu'on connaît pas ou qu'on n'identifie pas forcément, parce que je pense aux Nancy Phonies qui se sont déroulées il y a pas longtemps, il y a eu d'autres je crois festivals de musique classique, mais j'ai oublié parce qu'il y a tellement de choses qui passent, mais voilà, je pense que c'est bien aussi de connaître les bases de la musique, enfin on appelle ça la musique classique, mais il y a plein de courants dedans, c'est compliqué, on va pas entrer dans les détails, mais comme tu le disais, c'est vraiment tout public, c'est accessible à tous. Tu peux rappeler le prix d'entrée? Très très cher. C'est très très cher. J'ose pas le dire, mais enfin non, mais c'est gratuit. Donc venez les mains vides, sauf si vous voulez manger ou boire avec modération, bien entendu. Et je crois, oui, donc on rappelle vite fait, je pense, les trois groupes. Je te laisse peut-être les rappeler à nouveau. Alors, il y a les jeunes de l'école des coulisses du spectacle de Chavlot, qui vont jouer pendant à peu près une heure, de 20h à 21h. Et ensuite, vers 21h30, il y aura Rock or Bust qui vont faire un show à peu près de 2h et quelques. En gros, et le lendemain, à partir de 16h, il y aura le concert lyrique. Donc là, le temps, je pense, entre 1h et 2 aussi, oui. Oui, par le groupe Les Chantatrices. Voilà, dans tous les cas, on peut trouver facilement la page Facebook du groupe Rock or Bust. Par contre, pour les autres, un petit peu plus compliqué. Donc, si vous voulez savoir ce qu'ils font exactement, eh bien, allez à Arche, allez faire un tour. Après tout, c'est gratuit. Et je suis en train de voir un petit peu. Et je pense qu'on a dit tout ce qu'il y a à dire là, non? Je pense qu'on a fait un peu le tour. ça y est. De toute façon, c'est l'heure. Ça arrive, c'est normal. Et qui dit moment, on a fait le tour. C'est le moment où on commence à entendre le générique parce que ça va être l'heure tout doucement de conclure. Alors, on se retrouve, je disais, on retrouve à 20h, toujours mardi soir, Michel pour son émission La Parole est à vous. Puis à 22h, ce sera Dominique pour J'ai aimé, je vous le lis. Et on se retrouvera demain matin, 7h, 8h, pour la rediffusion de l'émission que vous avez écoutée à l'instant. Elle sera de toute façon en podcast avant demain matin sur notre page Facebook Radio Guémouzo ou sur notre site radioguémouzo.eu, émission et rediffusion, rubrique L'heure des loups. Dans tous les cas, elle est aisément écoutable, téléchargeable sur ordinateur, tablette, smartphone, tout système d'exploitation, vous inquiétez pas, ça fonctionne. Et comme demain matin, ce sera mercredi, après la rediffusion de ce qu'on aura passé, en espérant que les auditeurs qui m'écoutent le matin aient eu le temps de se réveiller. On écoutera à 8h Amadou pour sa chronique, puis 8h30 Marion pour sa matinale qui vous racontera le programme de la journée de demain. On se retrouvera demain soir 18h-19h, pas en direct cette fois, mais on va parler d'un groupe Facebook en particulier qui en a aidé plus d'un. Il s'agit du groupe Facebook Emploi Vosges, donc je pense que vous savez comment il a aidé du monde, avec Lissigno. Je vous en dis pas plus, on se retrouve demain, même heure, sur le 107. En attendant, Denis, merci beaucoup pour ton temps, pour tes informations, pour ta bonne humeur. C'était avec plaisir que j'ai transmis les informations pour le Festival Arche les 20 et 21 octobre à Arche. Merci, bonne soirée. Et merci aussi aux auditeurs de m'avoir écouté. Merci les Vosges, merci l'Alsace. On se retrouve demain, même heure, sur le 107 ou sur Radio Line. C'est vrai que c'est important de le préciser. Enfin bref, bonne soirée à tous et à demain.